s'il est qui danse, s'il est qui chante, s'il est ma ta bonne humeur m'enchante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné qui chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma et réciproquement. Notre programmatrice musicale du jour, actrice, scénariste et chroniqueuse littéraire jupitérienne, a publié en 2018 son premier roman intitulé « Comment écrire à Dieu ?» Et on y lit ceci « J'ai l'intuition que les chansons nous attendent ». C'est dire si nous, nous l'attendions, nous aussi, pour écouter et commenter avec elle sa playlist de chansons de films préférées. Cette lectrice qui écrit et cette romancière qui lit, non, croyez-moi, ce ne sont pas deux pléonasmes à la suite, mesure le poids des mots et le choc des musiques qui vont avec. Quand ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui font musique. Des histoires de sa vie, elle fait toute une histoire, qui s'appelle désormais un livre. Son pays des merveilles ressemble parfois à un cauchemar et ses larmes n'y pourront rien changer. Mais elle sait bien que ce n'est rien et que soudain, il y a mille sirènes de joie sur son chemin. Quoi qu'il en soit, au cours de sa promenade musicale et cinématographique enchantée, nous entendons, entre autres... Un merci en allemand. Et Céline D. On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi. Enchantée Juliette Arnaud et bienvenue, couplet, refrain, action. Laurent Delmas présente Ciné qui chante sur France Inter. Alors Juliette Arnaud, on vous sait désormais romancière, écrivaine. Vous dites quoi, vous, autrice, romancière, auteure? Moi j'aime bien écrivaine. Écrivaine? Oui, parce qu'il y a veine dedans. Mais c'est, oui, c'est pas gentil quand même pour vous, ça. Oui, mais moi c'est pas un défaut qui me déplaît tant que ça. Bon. Alors vous savez, ici on parle de chansons et de cinéma. Vous avez joué le jeu de la programmation musicale et je voudrais vous faire écouter le seul extrait que vous n'avez pas choisi, qui est un extrait de film, qui est pas une chanson, mais qui me semble-t-il correspond assez à la démarche de votre livre. Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde. Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... Ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, ou bien, sans amour, on n'est rien du tout. C'est la femme d'à côté. Bravo. C'est pas un quiz, mais bravo. Vous avez gagné, Juliette Arnaud. Absolument. La femme d'à côté, Gérard Depardieu, face à Fanny Ardant. Ouais. Voilà. Et elle lui dit, au fond, ce que vous ne cessez de dire dans votre premier livre, c'est-à-dire que, les chansons, c'est notre vie. Et oui, qu'il y a une imbrication très singulière entre nos vies et les chansons, et on ne sait jamais qui entraîne l'autre. Moi, j'ai la conviction qu'en fait, nos vies amoureuses sont particulièrement dictées par les chansons d'amour, plus que ce qu'on imagine. Puisqu'il y a que ces gens-là qui s'intéressent aux choses de l'amour, puisque la politique refuse de s'en mêler, l'économie, la philosophie et les religions, à part pour nous dire qu'il faut pas baiser hors mariage, et surtout faire des enfants, que baiser c'est surtout pour faire des enfants. Et il y a que les gens qui font des chansons d'amour qui essaient de nous dire deux, trois trucs pour qu'on s'en sorte sans finir comme Fanny Ardant. Ce petit secret, vous l'avez découvert comment? Quand j'ai eu l'idée de d'écrire Comment t'écrire à Dieu, j'écoutais pour la 500e fois Comment te dire à Dieu de Françoise Hardy, écrite par Gainsbourg. Et tout à coup, j'ai vraiment entendu ce qu'il avait écrit, à savoir que c'était une femme qui demandait à un homme une explication, qui demande à son ex une explication. C'est du Gainsbourg. Alors c'est du Gainsbourg, mais c'est ça qui est génial avec Gainsbourg, c'est que à la fois c'est sur la forme c'est parfait, mais ça ne change pas qu'il y a un fond terrible. Et souvent en amour on n'a pas d'explication. auprès de nos ex. C'est pas faux. Alors, on va commencer peut-être un peu plus légèrement, après ouais, tout, parce voilà. Parce que punaise, après la femme d'à côté. Oui, mais vous inquiétez pas. Votre playlist, elle se promène, je dirais, joyeusement et gravement dans votre vie. Vous nous direz peut-être comment, pourquoi, mais on va en tous les cas se promener avec vous. Et nous allons d'abord, en 1947, du côté du Quai des Orfèvres, de Henri-Georges Clouzot. Un merveilleux film français, en noir et blanc, un vrai polar, avec un Jouvet incroyable, et puis aussi une certaine Suzy Delair qui chante une chanson d'une gravité absolue qui s'appelle Avec son tralala. Ma génie, je t'en prie, tiens-toi un peu. Après qui tu en as ? Léo montrait une chanson formidable. Il te la montrait avec les gestes. Quelle mentalité ! Bon couillon, tu ne sais pas qu'à Marseille, un chat t'avait les mains ? Oui, c'est pas une raison pour flatter les cuisses de ma femme. Il battait la mesure. Oh, dis-moi belle, laisse-le dire. Pensez que ce produit peut être jaloux d'un vieux museau comme le mien, c'est flatteur. C'est impressionnant d'imbécilité, mais c'est flatteur. D'abord, je suis pas jaloux. Alors, tu me fais un affront. Très à l'autre. Qu'est-ce qu'il veut, ce polichinelle ? Il veut travailler, pardi. Ah ben, qu'est-ce que t'attends ? Retourne à ta commande et fiche-nous la paix. Et là, mais qui c'est le patron ici ? Assieds-toi, Maurice. Je vais te la susurrer, ma romance. Le polichinelle attendra. Tiens-moi ça, génie. Elle habitait ces villes, et dans toute la ville, c'était la plus agile de toutes les gitanas. Il en était plus belle, mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle que les autres n'avaient pas. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. De tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait de dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, et les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette. Tralala, était si tralala que nulle part y'en avait un comme ça. La clarinette là, une dièse mon ami, une dièse. C'est pas écrit. Donnez. Regardez Léo, une faute de copie. Ça m'aurait étonné. Alors on enchaîne ou on n'enchaîne pas? Dépêche-toi génie, les animaux attendent. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, et les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette. Car son petit tralala était si tralala que nulle part il y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une tocade pour Don Pedro l'alcade. À cause de ses gros bras, loin de se laisser séduire, il eut un petit sourire qui avait l'air de dire: toi tu ne mourras pas. Tralala, aussitôt elle se mit en campagne. De coups de tralala, elle fit tralala, et Pedro brusquement s'emballa. Pour aussi d'avouer sa défaite, Pedro reconnut loyalement. Elle avait une arme secrète, avec des effets foudroyants. Avec son tralala, petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes. Car son petit tralala était si tralala que Pedro le lendemain l'épousa. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, on n'a pas besoin d'être belle. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, quand on a un petit tralala. C'était Suzy Delair avec son tralala. Pour les auditeurs qui souhaiteraient se plaindre d'avoir cela en tête toute la journée, ils écrivent à Julia Darnaud, notre programmatrice du jour, maison de la radio 116, avenue du président Kennedy, 75-016 Paris. C'est donc extrait du film d'Henri-Georges Clouzot. Les paroles sont d'André Ornez et la musique, pas n'importe qui, c'est Francis Lepez qui était à une époque le roi de l'opérette à Paris. Il a fait vraiment des choses incroyables au théâtre du Châtelet, par exemple. Et c'est vraiment cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est à la fois un premier et un second degré permanent, quoi. Ah oui, et puis même tout bêtement, les paroles de « on n'a pas besoin d'être belle quand on a un petit tralala ». Quand t'es gamine, moi la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment ado, et comme toutes les ados, je me trouvais particulièrement moche. Et ben ça fait partie des choses qui te construit, surtout que Suzy Delair, à l'époque, je pense qu'elle devait être très très gironde, enfin elle devait, ah oui, voilà. Sauf que elle a un physique, une manière d'être maquillée et coiffée qui la date furieusement et qui nous empêche maintenant de la trouver comme ça d'instinct très jolie. Donc elle est vraiment l'incarnation de ça, de la fille. Bah, qu'un petit tralala, quoi. Et là, d'ailleurs, tralala, vous le traduiriez. Chacun, ah, il bon. Met ce qu'il veut. Ça marche moins bien pour les garçons. Pourquoi vous dites ça? C'est un sexisme redoutable. Non, mais essayez de mettre les paroles dans la bouche d'un garçon, vous verrez, ça marche moins bien. Vous êtes sûr? Imaginez, je ne sais pas, moi, Alex Vizorek en train de chanter mon petit tralala. Ça serait un truc. Moi, je pense qu'on peut lui demander. On peut lui demander. Bon, très bien. Allez, deuxième choix musical avec vous, Juliette Arnaud. Cette fois, on va écouter une autre chanteuse, Annie Lennox. Vous nous en parlez un petit peu? Alors, de Annie Lennox en général ou dans cette chanson-là? De ce choix-là, qui est un choix de vampire, qui me ressemble bien. Ouais, bah tellement. Bah tiens. Alors moi, je pense que ce film m'a sauvé la vie. Alors ce film, c'est Dracula, de Francis Ford Coppola, 1992. Ouais. Voilà, en 92. Il m'a sauvé la vie, carrément. Ouais, j'avais 19 ans. Très clairement, je faisais une dépression sans la nommer. Et le film sort. Et je vais le voir au cinéma, toute seule, parce que j'allais très bien. Et j'avais lu le bouquin. Puis Dracula, quand on le rend du oui, pression, quand c'est on, voilà, oui, quand on va pas trop, bon trop choix, bien. Oui. Et je suis allée le voir 2-3 fois par semaine pendant tout le temps où il est resté à l'affiche. J'habitais à Lille à l'époque. Ah oui. Donc, quand on dit il a fait un carton à Lille, c'est grâce à c'était vous. C'était moi. Et je restais jusqu'au bout parce que j'avais l'impression qu'il y avait mon antidote. À ce que je ne savais pas qui m'agitait, à ce que je ne savais pas nommer, dedans était contenu mon antidote. Donc comme je suis lente à la comprenette, il a fallu que je le voie beaucoup, beaucoup de fois pour mettre le doigt dessus. Et en fait, je pense que simplement, c'est un film extrêmement mélancolique qui traite, en dehors de l'histoire de Dracula, qui traite de ce que c'est que d'être atteint de mélancolie. Et moi, il m'a soignée. En mettant le nom sur ma maladie, et ben, ça a commencé à me soigner. Et à la fin du film, à la toute fin du film, moi, je voulais jamais quitter la salle parce que c'était le seul endroit où je me sentais bien dans cette salle de cinéma. Et c'était Annie Lennox qui me tenait par la main pour me dire au revoir en chantant Love Song for a Vampire. On écoute. Come into these arms again. Like a drum, it beats. Juliette Arnaud, nous écoutions Annie Lennox dans le générique de fin de ce film que vous n'avez plus revu. Non, j'ai essayé et ça me refait me sentir trop proche de la fille triste que j'étais à 19 ans et je sens que j'ai plus que toute la belle peau carapace que je me suis fabriquée tout à coup n'est plus tant là et que je pourrais à nouveau être triste. Que de cette manière-là, et j'ai plus envie d'être triste de cette manière-là. Donc, nous le disons, le cinéma peut guérir. Ah, j'en suis certaine. L'art en général. Pas mal. Enfin, il faut que ce soit, oui, le cinéma, il faut que ce soit Coppola qui s'en occupe quand même. Oui, les tuches, moins. Mais, alors, on y reviendra. Peut-être, un jour. On passe à tout autre chose, à un autre film qui date de 2013, qui est signé d'un Italien, M. Paolo Sorrentino. Le film s'appelle La Grande Bellezza. Quelle jouissance, ce film. Alors, dites-moi pourquoi. Parce que c'est la jouissance. Enfin, moi, en tout cas, je me suis réjouie. Tous les gens qui aiment Rome ne peuvent pas... Enfin, c'est impossible, c'est tellement plaisant. Moi, j'ai pas les moyens d'aller à Rome comme je voudrais y aller. Ben, je regarde La Grande Bellezza et ça s'appelle quand même La Grande Beauté. Ben, c'est pas pour rien, c'est La Grande Beauté. Et en même temps, c'est un peu, c'est même super vulgaire par moment. Ça me va. C'est très mélancolique. C'est extrêmement mélancolique. Il y a des promenades à l'aube, en plus dans des aubes d'été. Moi, c'est quand même ce que j'ai tatoué sur mon bras. Ah oui, quand même. Des aubes d'été dans Rome, mais c'est à tomber. Et la scène d'après, c'est une scène de fête berlusconienne. Orgiaque. Et voilà, ouais, c'est un talent, hein, c'est un talent. C'est la vie ritale. Et dans ces scènes un peu orgiaques, on entend une reprise de Raffaella Carrà. Et je pense que c'est la meilleure scène de fête pour moi jamais filmée. Elle dure le reste de ma vie. Je sais pas, c'est un coup de 11-13 minutes. Oui, c'est cet ordre-là. Tu sais, la musique, elle est quand même extrêmement pompier, au mieux, même en pratiquant le féminisme. C'est votre choix. Mais moi, voilà, j'ai envie chez moi, par exemple, de commencer une fête. Je commence en écoutant Far l'amor di comincia tu. Tu commences à avoir envie de faire l'amour. Voilà, allons-y. Je vais devoir arrêter le cinéma. Dans ce pays de merde, on n'écrit plus des beaux rôles féminins, non. Je vais me consacrer à mon premier roman, une histoire proustienne. C'est vrai. Mmh. Tu sais que c'est mon auteur préféré. J'adore Amanity aussi, bien sûr. Ah. Quelle coïncidence. Mais c'est qui celle-là? Tu ne la connais pas? C'est Lorena. Qui? Lorena, une ancienne starlette de la télévision en pleine dégringolade psychophysique. Je ne l'ai jamais vue, mais il faut dire que je n'ai jamais eu la télé. Viola, je commence à le savoir que tu n'as pas la télé. Depuis que je te connais, tu me le répètes au moins une fois par jour. Et aujourd'hui, elle fait quoi? Rien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Joyeux anniversaire, Jeff! Joyeux anniversaire, Ron! Juliette Arnaud, c'est peut-être le moment de vous demander, tiens, dans quel film vous aimeriez vivre, vous? J'y ai tellement réfléchi à cette question. C'est vrai? J'y ai tellement réfléchi. Ah, vous n'avez pas quand même trop pris la tête, j'espère. Ça, j'adore cette question, je la trouve fabuleuse. Et comme c'est pas la même question que quel est mon film préféré, et là j'aurais répondu Apocalypse Now. D'accord. Mais est-ce que j'ai envie de vivre dans Apocalypse Now? Réponse. Je ne vous le conseille pas, n'a pas me compris. Oui. Donc je vais mettre le film dans lequel j'ai envie de vivre, c'est mon autre film préféré au monde, c'est La Guerre des Boutons. La Guerre des Boutons d'Yves Robert, le premier. Bien sûr. Le seul, le vrai. Le seul, l'unique. Bon. 1962. Ouais. Parce que. C'est un film de mecs, hein, pourtant. Oui, non. C'est pas des mecs, c'est des enfants. Ah, enfin, c'est des futurs mecs, quoi. C'est des enfants. D'accord. C'est pas pareil. Il y a pas de genre. D'accord. Ah, ouais. Bon. Et surtout quand tout le monde est tout nu. Voilà. Oui. Bon. Je reverrai ma vie entière, petit gibus en train de se tenir la quiquette. Ça vous fait rire, c'est bien. Punaise. J'aime tellement cet enfant. C'est le meilleur enfant du cinéma, même Charlie Chaplin avec le qui, il n'a pas trouvé un enfant aussi bien que nous avec Petit Gibus. C'est le meilleur enfant, il boit, il est gros beau, il se trimballe tout nu en tenant sa minuscule petite quiquette alors que lui-même il est minuscule. Vous l'avez découvert à quel âge ce film? Je devais voir l'âge de Petit Gibus. Ouais. Il y avait un cinéma de quartier où je vivais à Saint-Etienne qui s'appelait Le Méliès, qui existe encore et que je salue bien bas parce qu'il a fait notre éducation à nous autres de ce coin-là. Il faut saluer les salles indépendantes de cinéma. En France, on ne le fera jamais assez. Surtout que, c'est Saint-Etienne. Et voilà. Il n'y a pas tant d'argent que ça pour la culture. Donc ma mère nous envoyait tous les mercredis et les samedis après-midi. Et donc, on a vu La Guerre des Boutons. Beaucoup de fois. Et vous êtes capable de le revoir? Ah oui, ça oui. Ça oui. Et alors, je vieillis. Donc ça maintenant, je pleure à la fin. Ah bon? Ah ouais. Je pleure à partir du moment où le braque est capturé. Et où il relâche le petit lapin, parce que le petit lapin, il va être libre, mais pas le braque. Je ne ris pas, pardon. Non, mais je... Bah vous êtes un salaud. j'ai pas de cœur. Et à la fin, quand il se retrouve... c'est le cauchemar de n'importe quel gamin, se retrouver au pensionnat. Sauf que là, il retrouve son pire ennemi, et qui va devenir son meilleur ami. La Guerre des Boutons, le film où Juliette Arnaud aurait eu envie de vivre, voilà. Une autre chanteuse, il y a beaucoup de chanteuses dans votre sélection, oui, bon, enfin, je ne dis rien. J'ai une passion pour les femmes. Ouais, je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Scoop. Et c'est une chanteuse canadienne. Pas très connue. Vraiment, j'ai pris quelqu'un qui est à la marge. Ça, c'est votre souci de faire découvrir des jeunes talents. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Céline Dion, je n'y suis pour rien. Elle y est pour tout, on ne change pas. Alors, on écoute d'abord un extrait de Mommy, de Xavier Dolan, évidemment, vous l'aurez reconnu, 2014. Et puis, en continuité de cet extrait, la chanson qu'il y a dans le film, On ne change pas, par Céline Dion, de Jean-Jacques Goldman. On s'ennuie pas avec Steve. Oh, no, no. Not a dull moment avec Steve. Wow. Bon, ça commence. Tâche-toi dessus, check ça. C'est bon. On change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. Change pas. Une veste de cachet comme ne se croit pas. Pétasse-toi. On ne grossit pas. On bosse un peu tout juste. Le temps de rêver de songe. Et les toucher du doigt. C'est un mix que son père nous a fait il y a quelques années. Toutes des trucs qu'on écoutait quand on a fait un road trip en Californie. On a tout fait la côte, on s'est ramassé à Los Angeles. On le savait. Ils écoutent en loup, pasteur. On ne change pas. On attrape des airs et des pauses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais si tu crains là, tout près de l'apparence tremble un petit qui nous ressent. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa rengaine insolente qui s'entête et qui répète. On ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste qui trahit qui l'on est. Un prince sans balai, sous la cour. Juliette Arnaud, vous me disiez hors micro que vous n'aimez pas cette chanson avant de l'avoir entendue dans le film. Non, mais vraiment pas. C'est et étrange. Puis, et bah non, bah, non, c'est pas étrange. C'est ça la puissance d'un artiste, c'est que tout à coup il vous la donne à entendre parce que les chansons nous attendent. Mais encore faut-il que on soit dans les bonnes circonstances voilà. Ou dans les mains du bon créateur. Et donc cette scène où il y a ce travelling arrière où il recule et recule et recule. Que vous avez joué, hein, je le dis pour oui, nos auditeurs, joué. Vous l'avez joué dans le studio. Je l'ai joué. Oui, et en fait, il s'en va de la scène. Il l'installe, oui. Il nous y installe, il nous dit « Mais si, vous allez voir Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, c'est super !» Et on part de là, et on se dit « Mais il a raison !» Alors, toutefois, un petit bémol. Cependant. Je ne suis pas d'accord, si on change. Et c'est pas en répétant aux gens « Ouais, non, mais c'est bon, on change pas », que ça va faire avancer le monde. Fin de la parenthèse. Ah non, continuez de l'ouvrir. C'est-à-dire que vous ouvrez un vrai débat avec Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, quand même. Oui, mais ils sont pas là pour... Pour répondre, enfin, allez-y, argumenter un peu. Non, mais parce qu'en fait, le propos de Céline Dion, c'est de dire « on est toujours l'enfant qu'on a été ». Et là, je suis bien d'accord avec elle. Le problème, c'est que souvent, cette phrase, elle est utilisée par des gens pour se conforter dans leurs pires agissements et leurs pires comportements, en disant « ah, mais c'est bon, parce que moi, on peut pas me changer ». Et ils en font, ils en retirent une espèce de fierté. Il y a vraiment pas de quoi se vanter que de pas vouloir changer. Il faut changer. Vous achetez les BO des films? C'est un environnement musical que vous avez? Oui, j'ose pas faire Shazam au cinéma. Parce que j'ai peur de me faire crier. Raison, c'est pas bien. Donc ce que je fais, c'est que je galope en sortant, je tape le titre du film, je tape IMDB, parce que c'est le meilleur site de référencement de cinéma. Ensuite, je vais voir la bande-annonce, et là, j'achète, parce que oui, je paye la musique, puisque moi-même étant payé en droit d'auteur, je ne vais pas aller voler les autres. Je ne peux vous dire que bravo. Non, c'est bravo, juste une affaire évidemment. De cohérence. Oui, mais il faut l'être. C'est bien d'être cohérent, c'est pas toujours le cas. Ouais. Non, mais là, ouais, ça vaut le coup. Un homme arrive en cinquième position, tout miracle. D'un coup, comme ça, il débouche, mais pas n'importe quel, le patron. Ah, bah si c'est le patron, c'est pas pareil. C'est qui le patron? c'est Bruce. Voilà, absolument, Springsteen. Dans quel film, alors? Une comédie romantique? Non, c'est pas vrai. Tout le monde l'a vendu comme une comédie sur le sport. Moi, je pense que c'est la meilleure comédie romantique jamais écrite. Secret Garden? Jerry Maguire. Voilà, Cameron Crowe, absolument. Et oui, et alors pourquoi? Parce que justement, c'est peut-être, moi je trouve que c'est une super comédie romantique justement parce que la liaison amoureuse n'est pas le centre du film. Le centre du film, c'est pas pour rien que ça s'appelle Jerry Maguire et pas Jerry Maguire et Pimpronel, parce que je me souviens plus du nom de de René Zellweger. qui est super. Dorothy. Oh putain, elle s'appelle Dorothy. Dorothy Boyd. Je sais pas comment ça m'est revenu. Bravo. Elle s'appelle Dorothy. Dorothy Boyd. Voilà. Je confirme. Bravo. C'est bien. Et donc c'est une histoire qui est finalement secondaire. Oui. Puisque l'accomplissement de Jerry Maguire passera également par ce qu'il est capable de faire en tant que dans sa vie privée. Mais moi j'adore cette histoire. C'est l'époque où je trouve que Renée Zellweger, elle est pratiquement à la hauteur de Julia Roberts à la même époque. Enfin, à l'époque où elles avaient entre 25 et 30 ans. Et paix à son âme. Certes. Bon, et on écoute Springsteen quand même, non? Tout bah, de suite. Oui, c'est mieux. Allez. She let you in her house. If you come knocking late at night. She let you in her mouth. If the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret cottage she has. She'll let you in her car to go driving. She'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart. If you got a hammer and a vice, but into the secret garden, don't think twice. Gone a million miles. How far did you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. And her eyes will say, she's got a secret garden where everything you where everything you need will always stay a million miles away. Tenez, Juliette Arnaud, c'est votre programmation musicale, alors c'est vous qui alliez désannoncer ce titre. Eh bien, c'était Secret Garden, interprété par le seul et l'unique Bruce Springsteen, le boss. Merci. Ciné qui chante. Et cette chanson? À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public. Sur France Inter. Votre nouveau choix musical, Juliette Arnoux, il est extrait d'un film d'un certain Quentin Tarantino et il date de 2007. Et comme par hasard, ça s'appelle Boulevard de la Mort, mais comme par hasard, il y a des filles. Oui, il y a que des filles. Ouais. Bah, pas que, hein, mais bon. Il y a Kurt Russell. Tout à fait. Le mari de Goldie Hawn. Voilà. Toujours tout ramené à une femme. Ah oui, c'est drôle ça que vous fassiez ça, oui. Le mari de ah bah, voilà, oui. Ça va, ils le font suffisamment dans l'autre sens, on peut rigoler un peu nous. Allez, on tape sur nos doigts. Donc, Boulevard de la Mort, de toute façon, Tarantino, il fait des BO de dingue. Oui. Enfin, il utilise des BO de dingue. Voilà. Oui, absolument, tout à fait. Il a le même talent que Scorsese pour ça. C'est vrai. Vraiment, enfin, moi, ces gars-là m'ont appris. Et grâce à Tarantino, j'ai rencontré des très bons amis maintenant qui sont les Coasters. Bon, ne me regardez pas comme ça, Laurent, c'est pas vraiment des amis pour de vrai, hein, c'est des amis dans ma tête. J'ai compris. J'avais vu. Ah. Mais alors pourquoi? Moi, des Coasters, ça me fait danser. Et seule parce ou que ah non, toute seule, pas devant les gens, parce que on est dans le cinéma grotesque là, si quelqu'un me voyait, donc je fais ça entre moi. Il y a aucune vidéo. On peut pas avoir accès à une vidéo. Non, non, non, Laurent, il y en aura pas. Je le demande. Et c'est ma curiosité naturelle, je suis journaliste. Ouais, bien sûr. Et donc je sais même pas ce que je disais. Et ils ont vachement d'humour. C'est ça. Également. Les Coasters. Voilà, c'est des chansons qui sont bien. À crever de rire à chaque fois. Et il n'y a même pas forcément besoin de tout comprendre en anglais. Ils ont une manière de chanter qui est fort drôle. C'est comme les frères Jacques, mais en bien. Je retire ça. Non, pas du tout, c'est gravé dans le marbre. On écoute un extrait du film, et puis Down in Mexico, The Coasters. Comment tu t'appelles déjà? Statman Mike. Bonsoir, Statman Mike. C'est Butterfly. Ma copine Jungle que tu vois derrière a dit que le jukebox c'était carrément du matos d'enfer. Ah oui, c'est exact. Ouais. Tu peux aller t'installer pour ta lap dance. Je t'avais pourtant dit un garçon assez joli, assez sexy, qui envoie de bonnes vannes, le genre de coco que t'as envie de te faire. Est-ce que c'est les qualités de ce gars-là? Juliette Arnoux, si nous parlions, après avoir écouté The Coasters, votre groupe préféré après les frères Jacques, si nous parlions donc du plus beau, à mes yeux, et du plus étrange film de Pedro Almodovar qui s'appelle Parle avec elle. Mais quelle beauté. C'est vrai que c'est très étrange et ça serait très... n'importe qui d'autre que Almodovar. Il y a des scènes de ce film qui, en moi, en tant que féministe... J'allais vous en parler. Et bien voilà, je ne saurais les pardonner. Seulement voilà, c'est Pedro Almodovar et je vois très bien... J'ai confiance en cette personne. Oui. Et je suis d'accord pour aller là où il m'emmène. Avec écoutez bien, il a mon consentement. Ah, Pedro, si vous nous écoutez... En règle générale, et en particulier Pedro, tu as mon consentement. C'était important de le dire, je pense qu'il l'attendait depuis plusieurs années. Mais bien sûr, maintenant, il ne rassuré. Vivait plus. Il cette petite dépression là qu'il a emmenée ces dernières années, elle est réglée. Il n'a pas eu de palme d'or à Cannes, il a le consentement de Juliette Arnault, voilà une bonne année pour lui. Mais oui. Comme vous êtes méchant mais et sarcastique, Laurent Delmas. Mais pas du tout. Alors, on va. Il y a un morceau qui est aussi sublime que le film, qui est de Caetano Veloso. Ouais. Kurukuku Paloma. J'ai préféré vous le laisser dire. Kurukuku Paloma. Ah, allons l'écoute, ça. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Chair de poule. Marco, il y a un moment que je veux te poser cette question. Pourquoi tu as pleuré le soir où on s'est rencontrés, après avoir tué la couleuvre? Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Quels souvenirs? Il y a des années, il s'est passé la même chose. J'ai dû tuer une couleuvre. Nous habitions l'Afrique. Elle souffrait de la même phobie que toi. Elle m'attendait effrayée à côté de la tente. Terrorisée. Sans défense. Et entièrement nue. Parce qu'elle avait découvert la couleuvre pendant qu'on dormait. C'était pour cette femme que tu as couché sur le canapé du salon. Je la déteste, moi. Ça fait des années que je la vois plus. C'est pire encore. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu l'oublies? Exactement ce que tu es en train de faire. Gitarlon, c'est un film avec lequel on peut vivre, parle avec elle. Ah oui, je pense qu'on peut vivre avec, oui. Il fait du bien à plein d'endroits très très différents les uns des autres. Il s'intéresse à des gens très différents les uns des autres, atteints de névrose, voire de psychose. C'est un des films les plus doux de Almodovar. Et on dirait presque qu'il l'a fait en somnambule, par rapport à d'autres films où on le sent, lui, très très... Dans la maîtrise. Oui. Et là, il y a quelque chose qui relève du rêve éveillé, vraiment. Absolument. Et il nous fait cet effet-là, il me semble, à nous les spectateurs. Il me semble bien aussi. Bon, et ben, l'heure tourne et il est déjà temps de conclure. C'est difficile de passer de Almodovar à Avengers. C'est ça qui est rigolo. Oui, bien sûr. Parce que la vie, c'est comme ça qu'elle est. Elle est faite de ça. Elle est faite d'Almodovar et d'Avengers. Également. Vous êtes précipité pour le nouveau. Oui, je l'ai vu la première semaine, premier rang, plus grosse salle des Halles, 2h45. Je me suis dévissée les cervicales. Parce qu'au premier rang, hein, dans une salle de cette taille, on se dévisse les cervicales. Mais c'était un choix. Oui, je vais voir. Je poursuis. Je sais pas quelle quête. J'ai des points communs avec Hulk dans une très très mauvaise gestion de la colère. Ah, c'est ça. Je voulais demander le voilà. Hulk et moi, on a ça. Alors moi, pas tant la couleur verte que cette mauvaise gestion de la colère. D'accord. Et moi, ça me fait du. Ça m'intéresse, et alors ce dernier épisode, je l'attendais parce que justement Thanos, à la fin de l'avant-dernier, avait tué la moitié de l'humanité. Oui. Et là, le dernier épisode commence, Thanos a flingué la moitié de l'humanité, et on a des images donc de vie du monde à moitié mort. On voit pas de corps, hein, comme dans les attentats du 11 septembre, mais on voit bien que le monde est à moitié mort ou à moitié vivant. Et là, au lieu de commencer avec une musique d'orchestre symphonique comme d'habitude, il nous balance un groupe hippie qui s'appelle Trafic, oui. Et une chanson qui est une balade assez souriante finalement, et c'est tellement étrange. Et tu te dis, est-ce que les mecs qui ont écrit le scénario sont pas en train de me dire que Thanos avait raison? Et là, tu ressens une espèce de malaise, parce que toi-même, tu t'es laissé penser à l'avant-dernier épisode. Mais est-ce que, en fait, Thanos, il est pas écologiste, mais un peu un puriste de l'écologie? Est-ce que ça serait pas la solution? Et tu as honte de penser ça. Professeur Arnaud, merci. C'était donc le résumé de votre thèse sur Avengers, le nouvel épisode. Et on va tout de suite écouter la musique dont vous parliez. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Sign. Merci Juliette Arnaud d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale. Non, merci beaucoup. On vous retrouve à la rentrée sur France Inter, évidemment, dans la bande à Jupiter et dans les librairies, oui, le 6 septembre, avec votre nouveau roman. Maintenant, comme avant. Mais oui, maintenant comme avant, c'est son titre, oui, publié chez Belfond. Oui. Vous continuez l'exploration de vos gouffres, on peut dire ça comme ça ? Oui, mais je me sens un peu le droit de le faire. Sagan, elle faisait ça avec avec des vers tirés de poèmes qu'elle aimait. Et ben moi, mes poèmes, c'est les chansons. Il y a pas mieux. Et puis ça me fait plaisir qu'il y ait Rod Agil, parce qu'il me manque Rod Agil. Et comment ? Je suis bien d'accord avec vous. Allez. Cette émission a été préparée avec entrain par Margot Page et Mathilde Verfailly, secondée par Hilario Mathias d'Acosta. Elle a été réalisée dans la joie par Sonia Leglen, avec aux manettes aujourd'hui Élise Christophe. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note. On reste en contact via le podcast et franceinter.fr, bien évidemment. Et nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure, indice.